tu vas bien? Ouais. Moi ça va, ouais. Et toi, ça va aussi, ouais? Alors on y va! Savoir ce qui se passe dans ma vie, dans mon quartier, juste en bas sur le trottoir. Savoir que vos voisins qui sont à peine de l'hôpital, et c'est pas encore le pauvre que sa femme s'est fait la malle. Fracasser sa femme, faudrait de temps en temps y aller qui trouve du travail. Ça va, toi ça va, j'espère.